vous allez vivre l'impact de la science de la recherche. L'impact de la science de la recherche. Naissance moisie, le SEC, me voici au MIC. Mes connaissances S, réhaussées, donne de l'essence à mes pensées. Trop d'influence, j'ai amassé. Ressasser les naissances entassées dans une adolescence passée. À tester mes sens phrasés. Un trou d'écran embrasé, je crée du cru sur un truc écrasé. Décris les rues dans des écrits, des creux en vrai, entrecroisés. Mais en 84, quand le rap marchait encore à 4 pattes. Entre les 16 et les 24, j'ai kiffé les stars d'asphalte. On t'était de ces pitras, t'es pas, t'es des flots acrobates à droite. Tu me tiens, j'attends mes dates avec rats. Pour mes 16 à 13 piges, j'ai rédigé trop de pages qui gravent le prestige. J'ai franchi les étapes sagement, on m'a dit t'as le mort, mais t'as le temps. C'est donc fatalement, j'ai opté pour le fatalement. Premier grave à Noisy, Bondy, ou Rony, Bercy, Nécité. Un sprint de pique, enfin les tests qu'il est guisé. Bande de bâtards.